Voici, en guerre plus d'une heure, de larges extraits du roman de Jules Verne, publié en 1865, intitulé « De la Terre à la Lune » et sous-titré « Trajet direct en 97h20. » Choix des extraits, résumé et enregistrement, Jean-Paul Alexis, fin septembre, demi-octobre 2021.